Delhi, la rose qui tue. Chapitre 1. La brise, saturée du parfum des orangers, soulevait le journal étendu sur la table. Gemma pencha la tête pour relire l'annonce. On demande jeunes personnes de bonne famille, munies de diplômes, pour instruire deux petites filles. Écrire avec tout renseignement et référence à la comtesse de Camparène, grand hôtel à Cannes. De longues coulées de soleil pénétraient jusqu'au milieu du salon vieillot, dont les murs tendus de toiles de jouy fanées, s'ornaient de portraits encadrés d'une dorure ternie. Sur la petite terrasse, dans des vases en terre vernissés, de hautes digitales offraient la pourpre vive et le rose tendre de leurs clochettes. Le jardin s'étendait au-delà, abondamment fleuri, bien que négligé depuis la mort de Madame Faublanc. Gemma repoussa le journal et s'accouda à la table. La chaude lumière de mars avivait les reflets moirés des cheveux blonds, formant des boucles légères sur la nuque délicate, d'un blanc de nacre. De cette même blancheur nacrée, à peine teintée de rose tendre, était le jeune visage sérieux, aux beaux yeux songeurs et soucieux. Une porte claqua tout à coup, des pas résonnèrent sur le dallage du vestibule. Au seuil du salon parut une jeune fille vêtue de demi-deuil. Elle jeta sur un siège le carton à musique qu'elle tenait à la main et se laissa tomber sur le petit canapé dont la soie s'élimait. « Quelle corvée que ces leçons! Quelle nullité que ces élèves !» La voix était plaintive, comme les yeux couleur d'un beau ciel d'été. Sur ceci battaient de longs cils blonds qui formaient un séduisant contraste avec de bruns cheveux bouclés. Gemma laissa retomber ses mains sur la table et regarda sa sœur. « Je viens de voir dans ce journal quelque chose qui pourrait peut-être me convenir. » Elle tendit la feuille à Mao. Celle-ci lut et fit la moue. « Institutrice, avec tous tes diplômes ?» Tu as vu qu'ils ne me servent à rien pour me trouver une situation depuis des mois que je cherche. » Une note de lassitude passait dans la voix au timbre pur et grave. Puisque la villa doit être vendue dans 3 semaines, il convient de ne plus faire les difficiles. Mao eut un sourire un peu amer. Tu dis cela pour moi ? Alors, il va falloir me résigner à enseigner toute l'année la musique aux élèves de Mademoiselle Courballon, à vivre comme les sous-maîtresses, dans une petite chambre sous les toits, et cela pour gagner quoi? Non, c'est trop odieux! Elle se leva brusquement, son regard était plein de colère, ses lèvres tremblaient comme celles d'un enfant prêt à pleurer. Gemma se leva à son tour. Ses yeux, d'une sombre teinte bleue, considéraient pensivement Mao. Les deux sœurs n'avaient comme trait de ressemblance que le même teint de nacre. Mao, petite, mince, offrait un singulier mélange de langueur et de vivacité. Celle-ci l'emportait en ce moment. Mao de Fontayant n'avait d'ardeur que pour ceux qui l'intéressaient personnellement. Gemma eut un geste d'impatience, aussitôt contenu. Elle dit avec une ferme douceur « Il le faut cependant, je vais écrire à cette dame et si je m'arrange avec elle, nous déciderons pour toi. » Les doigts de Mao se crispèrent sur le petit sac élégant qu'il tenait. « Je ne pourrai pas, Gemma !» Sa voix reprenait le ton plaintif. « J'aurais mieux fait, vois-tu, d'épouser Monsieur de Plisson. » « Mao, un homme de 50 ans, toi qui en as 21, et un homme de réputation douteuse au point de vue moralité, ce sont peut-être des mensonges et j'aurais été riche. Si cela te suffit... » Il y avait une nuance de mépris dans l'accent de Gemma. Mao leva les épaules. « Eh bien non, je ne regrette pas malgré tout. Mais je voudrais que quelque chose change dans ma vie. » Gemma songea, d'autres le souhaitent aussi. Elle quitta le salon, monta l'escalier garni d'un tapis usé. Dans sa chambre, envahie par le soleil et les parfums enivrants, elle demeura debout devant la fenêtre, le regard perdu dans la lumière et dans le bleu céleste de l'horizon. Changer quelque chose à sa vie. Depuis l'enfance, elle le désirait obscurément. Être aimée, ne plus être celle qui ne compte qu'à moitié, aussi bien pour la mère au cœur léger que pour le père absorbé par ses travaux d'historien. Tous deux lui préféraient Mao. La vieille tante Laurence aussi. Mais Gemma, seule, avait soigné celle-ci dans ses derniers jours. Elle ne sentait pas de rancœur, mais une peine infinie. Son âme noble pardonnait. Mais le pardon n'empêche pas la souffrance. Une âme secrète. Personne n'avait pu l'ouvrir jusqu'ici. Gemma endurait sa peine en silence. Son père, qu'elle avait aidé parfois dans son travail, disait « Elle est parfaite comme une belle statue. » Une belle statue frémissante, ainsi qu'en cet instant où elle songeait à son enfance blessée par la mésentente de ses parents, à son adolescence qui avait vu la mère quitter son foyer, ses enfants, rompre avec ses principes religieux par le divorce. Son père avait souffert dans un farouche silence. Cette charmante Yolanda aux clairs yeux bleus, Mao lui ressemblait, il avait dû l'aimer passionnément. Jamais plus, Gemma n'avait surpris un sourire sur cette bouche durcie, dans ce regard qui ne s'adoucissait un peu que pour Mao. Elle pensait parfois qu'il était peut-être mort de ce chagrin, trop lourd pour son cœur envoûté par l'amour. Et il avait laissé dans la gêne ses deux filles. Une belle fortune, négligée depuis l'abandon de l'infidèle, se trouvait réduite à peu de choses. Gemma venait de terminer des études brillantes, Mao s'adonnait à la musique, pour laquelle ses dons étaient remarquables. En attendant qu'elles eussent trouvé une situation, leur grand-tante, Madame Faublanc, leur ouvrait sa petite villa de Valoris. Il y avait 18 mois de cela. Un soir de janvier, la vieille dame s'était alitée pour ne plus se relever. Elle vivait en grande partie d'une forte rente viagère. Les deux sœurs héritaient de la villa et d'une 50 000 francs chacune. La maison devait être vendue pour payer les frais de succession. Avec ce qui leur restait de la fortune paternelle, les jeunes filles se trouveraient nanties chacune d'un revenu de 10 000 francs. Il fallait se faire une situation. Mais les diplômes de Gemma, jusqu'ici, n'avaient pu lui en procurer une. Monsieur de Fontayan, n'ayant eu que peu de relations, ses filles ne savaient à qui s'adresser. Mao donnait quelques leçons de musique dans une institution de jeunes filles à Cannes. La directrice offrait de la prendre à demeure. Mais Gemma ne voyait pas dans cette cage cet oiseau trop joli. Mao, une âme légère comme celle de sa mère, un visage délicieux. Vers quel troublant destin s'en irait-elle? À Paris, le baron de Plisson, qui occupait un appartement dans la même maison que M. de Fontayan, l'avait demandé en mariage après la mort de son père. Elle avait un peu hésité, très peu. Elle se savait assez jolie pour espérer mieux, la fortune mise à part. Oui, elle le disait franchement, avec le naïf orgueil, qu'on ne songeait pas trop à lui reprocher. Gemma soupira et quitta la fenêtre pour s'asseoir devant sa table afin d'écrire à Madame de Camparennes.